puissance et MC. Écoute ça. De chez nous. Écoute. On avance tous malgré les coups bas. On sait que la vie est un round, qu'on finira par le combat. Écoute, j'envoie les soupapes, envoie la prod et bombap. Maîtrise le flow et comme d'hab, bomba bye bye. J'fais rien sans mon équipe de zouer à mon pot chinois. Celle-ci c'est pour ma jupe de gordo et un son de voix. La prod est signée bip bip, l'amour de la rime habibi. On se rassemble, kiff kiff et comme Rita. Arrivé ses mains dans les poches, j'sais même pas de quoi j'vais parler. Je ne suis pas le cheval sur lequel il fallait parier. Pardon si ma bouche crache des kamehameha, ce n'est pas ma faute. Et si ta show ne va pas croire que t'es sous les pas le mieux, pas la peine, bah, je n'aimerais pas ta pilule vivant. Je ne me confie qu'à cet ectoplasme assis sur le divan. Disons qu'en tout cas, je vous fais déjà mille excuses si ça kick dur. Je suis venu claquer 8 mimesures suivant. On veut donner de l'espoir, on persévère en continuant notre but. Sans prendre des ailes, on veut vous faire planer en combinant nos plumes. Pas près de me taire, j'ouvre ma gueule quand la plupart se laisse faire. Je m'invite dans ton cerveau. Car quand je paiera, j'ai le pouvoir de m'espérer. Pour ceux qui squattent encore au poste et qui sont claustrophobes, c'est pour vous que je cause trop fort. Je lis des messages plus vite que Chronopost. Le but c'est de voir l'avenir. Y'en a ras le bol de perdre du temps. C'est ma façon de tenir le choc, de vous écrire des paroles percutantes. Salam Rachid frère, merci pour l'invitation. Paré au décollage en direction de la planète Rachton. Les plus belles pages tombent mais le bouquin s'écrit encore. Pourquoi mes plus grands rêves se réalisent uniquement quand je dors. De Belgique jusqu'à 7, on crie nos rimes sans label. Pas de frontières comme un featuring de Brassens et Jacques Brel. J'écris celle-ci pour les miens et les vôtres. Dans le ciel, les plus belles étoiles sont d'abord celles qui font briller les autres. Moteur, je fais face au moqueur, tous présents au rendez-vous. C'est l'arrière plein bande de jalouses, on va vous mettre hors de vous. Ça va pas trop dans nos têtes, arrête de chercher la bête. T'en préfères penser au rappel, toi rien que tu te la pètes. Aveuglé par les hebbets, sans rien ça joue les patrons. Dans le pétrin devant une patrouille, combien on serait pas le temps. Pour ces conneries, non mes potos n'ont pas le temps. De chez moi, ouais le frérot en charbon à plein temps. Tu déjeunes et tu blâmes les jeunes en dégénérescence. On leur demande de générer de l'or et de digérer de l'essence. Les élites m'ont notifié de gagner peu en bossant. Trop génétiquement modifié par shit et Monsanto. On veut rendre nos mères fières, voir tous nos frères peinards. On vient mettre à la diète les fans de Robert Ménard. On n'est pas super vénard, faut éclaircir le tableau. Ça veut refaire Neymar, Jay-Z ou Don Pablo. Si t'es perdu que t'as des questions, avec des coups je te réponds. Ici même les sages penseurs arrivent à court de raison. Appelle-moi Louvre. Si t'es une chienne, j'te bouffe le téton. Appelle-moi Ramsès, pharaon des tours de béton. Béton, ma pyramide c'est peut-être la tour Eiffel. Alors j'impose la tyrannie parce que l'amour est faible. Faible, la coupe est pleine et on est trop sur les nerfs. J'dégaine, je tire, la NASA retrouvera mon flow sur Kepler. Quelques taffes de Sensi, j'entends le chant des Renzi. J'ressens monter l'inspi, gratte un texte en despi. M'assurant qu'il reste digne, je reste prêt, je surveille le respect des oreilles auxquelles il se destine. J'exprime en un seul jet tout mon spleen, mon esprit des marques. Masque leur flé dans ta skin. J'esquive les dégâts de la fauche, c'est son coup près. Cheap Manova live pour un demi-couplet. À travers chaque crime, j'habite ma vie en fit. Depuis que je m'applique, je passe de ville en ville. J'écris jour et nuit pour éviter de partir en vie. Du coup, j'en ai pas ni l'envie, je me fous de ce que ta clique en dit. Pas besoin de m'en sortir, je suis pas rentré dans le moule. Le sang coule et les gens souffrent entre les corps sans pouls. Ce monde m'a rossé comme 4100 coups. J'arrose la prod en hommage à tous ceux qui m'entourent. On vient nous imiter comme des petits malades. Je dépasse les limites et je vis ma life. Et dis-toi que là j'optimise quand j'écris la night. Oublie la maille. Là y'a le feeling, y'a l'inspi, la vibe. La rime je la taille. L'artistique magnifique travail, on taffe d'ailleurs. Y'a pas de plan, je cherche la place ailleurs. Sale bailleur, j'suis intouchable un peu comme McTyre. Punchline, lol, la plupart c'est des jeunes schlags. Gunschlass, thug life, combien devant les keufs chiales. J'suis désolé d'être aussi dark, me parlez plus tôt les sida. Tu crois que l'amour se répare, j'ai grillé l'ampoule à ce qui part. J'ai des idées noires de génie, j'lui mis qu'un wad et la fille j'ai mis. J'suis le racine du mal qui assassine Iphigénie. J'ai la plume qui tue les mésanges dans un éclair et un grand bruit. Juste parce que l'homme n'est qu'un mélange entre Hitler et Gandhi. En live de garge sur Conakry ou dans l'impasse, les pieds de ton cri. Tu sais Rachid, comme Derrida j'suis déconstruit.